L'intelligence intellectuelle versus celle vibratoire. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'intelligence intellectuelle est en relation avec l'ego, alors que l'intelligence vibratoire est en lien avec l'esprit. L'intelligence intellectuelle se développe en parallèle avec l'ego qui prend forme au moment de la naissance du corps physique que l'âme habite temporairement lors de l'incarnation. Pour sa part, l'intelligence vibratoire se développe lorsque l'âme apprend à gérer l'énergie qu'elle perçoit de l'esprit avec discernement après que sa fusion avec lui soit entamée. L'intelligence intellectuelle est issue de l'intellect. Elle se rapporte à la capacité de l'individu à faire des analyses et synthèses. Elle est en relation avec le processus de réflexion qui permet à la personne de s'approprier et traiter l'information avec son ego. L'intelligence vibratoire se développe chez l'individu qui apprend à composer intelligemment avec l'esprit lorsqu'il commence à vivre le processus de la fusion avec ce dernier. L'intelligence intellectuelle est le produit de la mémoire. L'ego et l'âme vont se développer avec son accumulation. L'ego accumule des informations depuis le moment de la naissance du corps physique s'y rattachant. Pour sa part, l'âme en accumule au fil des incarnations qu'elle a effectuées dans la matière, bien que la plupart des âmes incarnées ne se rappellent plus de leurs vies antérieures, qui leur sont voilées. Cela n'empêche pas que ces données teintent leur manière de se comporter. Donc, l'intelligence mémorielle se développe par l'accumulation de formes, comme des souvenirs, des théories, des concepts, des mots. Le développement par accumulation de données est utile pour l'âme jusqu'à temps qu'elle soit suffisamment stabilisée et mature pour poursuivre sa croissance par le contact direct avec l'esprit et ainsi commencer un nouveau cycle d'évolution où elle va apprendre à travers une communication intérieure plutôt qu'en fonction des cinq sens. Pour sa part, l'intelligence vibratoire se développe par l'immédiateté d'un savoir de nature vibratoire qui se canalise. Il n'est pas accumulatif par l'individu car il n'est pas une forme. Plus que l'individu manifeste son intelligence vibratoire, en traitant avec discernement les vibrations qu'il perçoit de son esprit, et plus il va altérer sa structure énergétique en élevant son niveau d'énergie pour se rapprocher de plus en plus de celui de son esprit et être en mesure de l'intégrer davantage. Plus l'énergie de l'esprit s'harmonise à l'âme et moins elle a besoin d'accumuler des informations pour être en mesure de fonctionner dans la réalité. Ainsi, cela fait en sorte qu'elle développe une identité qui repose sur son lien avec l'esprit plutôt que l'accumulation de connaissances qui nourrissent l'ego. Donc, la personne vivant ce processus connaît un changement profond dans son identité. L'intelligence vibratoire permet à l'individu de cerner la vibration derrière les formes en vue d'avoir des paroles et actions en conséquence sur le plan matériel, tandis que l'intelligence intellectuelle ne permet que de percevoir la réalité qu'en fonction des formes. Donc, l'intelligence vibratoire permet de cerner les choses en profondeur plutôt que seulement en surface. L'intelligence vibratoire n'est pas accessible à toutes les âmes incarnées sur Terre. C'est seulement celles qui vivent la fusion avec l'esprit qui peuvent la percevoir. Pour vivre la fusion avec lui, il doit se manifester à elle. Présentement sur Terre, sur le plan collectif, les systèmes éducatifs s'adressent à l'intellect des gens pour favoriser le développement de leur intelligence intellectuelle. Cela est tout à fait normal étant donné que les personnes qui ont accès à l'intelligence vibratoire sont plutôt rares et cela se fait sur une base individuelle. De plus, l'intelligence vibratoire, lorsqu'elle se développe au sein de l'individu, elle l'amène de plus en plus à fonctionner de manière autonome et autodidacte. Donc, il a moins besoin du support du système éducatif. Si l'individu apprend à gérer intelligemment le savoir qui émane de son esprit, éventuellement, il n'aura plus besoin d'enseignants et de cours pour accéder aux informations dont il a besoin pour être en mesure de fonctionner dans la vie de tous les jours. Par contre, cela ne le dispense pas de respecter les règles de la société dans laquelle il réside, en vue de maintenir l'ordre social. Par exemple, si l'individu dans la société où il se trouve doit effectuer une formation universitaire et faire partie d'un ordre professionnel pour pratiquer la médecine, il doit répondre à cette exigence, bien qu'il puisse être en mesure de canaliser de l'information provenant de l'esprit qui pourrait lui être utile en vue d'effectuer des traitements médicaux. L'individu qui vit une intégration cohérente de son contact avec l'esprit ne cherchera pas à utiliser son savoir pour générer le chaos en société, mais plutôt pour bien vivre sur une base collective et individuelle. Voilà ce qui termine la lecture de l'écrit qui porte sur l'intelligence intellectuelle versus celle vibratoire.